speed comme un bolide qui enfume l'asphalte. J'rappe comme un impoli sur instrumental fac. J'suis le flingue et la balle, la seringue et le garrot. J'suis dingue, j'ai la barre et deux, trois michetonneuses à tarot. Oh. Appelle qui tu veux, j'le fume. J'ai qui à craindre à part Dieu. J'suis nègre, descendant d'esclaves, va leur dire j'assume. Appelle qui tu veux, j'le fume. J'ai qui à craindre à part Dieu. J'suis nègre, descendant d'esclaves, va leur dire j'assume. Appelle qui tu veux, j'le fume. J'ai qui à craindre à part Dieu. J'suis nègre, descendant d'esclaves, va leur dire j'assume. Appelle qui tu veux, j'le fume. J'ai qui à craindre à part Dieu. J'suis nègre, descendant d'esclaves, va leur dire j'assume. J'rime pas pour la frime, les femmes, non. Pour ceux de ma firme, t'as fait du ferme. Tu sais d'où viennent les flammes, 45, j'la ferme. Pas temps à perdre, les secondes sont précieuses. 6, 35 et perceuse. Ferme mon trou dans ce rap de pisseuse. Ma paire de valseuse comme allié, vislard comme Arnard. La presse dans les yeux, j'crame les MC d'un seul regard. La France nous baisse sans demander si on aime. Nous fait croire qu'on est libre, libre de choisir entre la levrette ou bien le missionnaire. Mais sachez que c'est nique vos mères, vous les décisionnaires. Pas besoin d'être visionnaire pour voir qu'on frise la crise de nerfs. J'suis pas armé de peur de ce que j'pourrais faire. Je le bring, c'est l'argent du prince. Mon ambition fait que l'ombre à la tour Eiffel, man. On braque ton or comme si c'était normal. On reprend notre or parce que c'est normal. Tu pisses, c'est bien du sang que tu pisses. Tu veux me la mettre, mais j'pense pas que tu puisses. Y'a que pour chier que j'écarte les cuisses. Au bled, c'est nos richesses qu'on puisse. Ici, c'est nos vieux qu'on épuise. 22 piges, pas de bif. Le fisc me pisse, à part ça, j'suis pisse. Niggas, fais ton pisse et tire-toi. J'm'en bats les couilles, t'es qui? Tu veux tirer, tire, mais tire-toi. Reste cool, déguise. J'ai pas de substance à beat grave. Juste des zestes de rime crade sur beat grave. J'rappe pour les bras. Niggas, fais ton pisse et tire-toi. J'm'en bats les couilles, t'es qui? Tu veux tirer, tire, mais tire-toi. Tous faits, sauf le respect, l'honneur, la victoire. Il me faut une bastos dans la tombe pour entrer dans l'histoire. Prédisposé au meurtre, pour un regard de travers, on frôle la tôle chaque jour avec la mort en fleur. Moi, je fais pas exprès, mes rimes te heurtent. Marc vive dans la cistana, je vois atteindre de Nirvana comme Kurt. Lyrical bombe artisanal, demande un art, j'ai même plus l'âge tracaillé. J'ai déjà donné, je sais comment ça marche, abonné. Au coup dur, plus la poussette, je connais. Des mecs en bac plus et des poussières qui taffent dans la soudure. Ou je me tire autre part, ou je me tire une balle. Pour bien t'y part dans la vie, faut un capital de départ. J'ai même pas une barre, donc je pisse ma rage sur les prods à Spike. Le rap nique sa race, t'es pas à la brique, ça rate. Même avec une semaine à Sky, putain, à croire que tout est fait pour qu'on se casse la gueule. De l'argent et du respect, c'est tout ce que mes lascars veulent. J'suis bon qu'à noircir ma feuille, mettre les MC en deuil. Et j'irai pisser sur les cercueils de ceux qui me portent l'œil. Niggas, fais ton pisse et tire-toi. J'm'en bats les couilles, t'es qui? Tu veux tirer, tire, mais tire-toi. Reste cool, déguise. J'ai pas de substance à beat grave. Juste des cesses de rime crade sur beat grave. J'rappe pour les bras. Niggas, fais ton pisse et tire-toi. J'm'en bats les couilles, t'es qui? Tu veux tirer, tire, mais tire-toi. Tous faits, sauf le respect, l'honneur, la victoire. Il me faut une bastos dans la tombe pour entrer dans l'histoire. J'te mets pas de poudre aux yeux, j'rappe sans poudre aux zen. J'm'en bats les couilles qu'on me signe, l'industrie j'la saigne. Faut que l'insigne, ceux qui renseignent, y'a rien de clean dans ce que la rue t'enseigne. Tu veux du conscient, v'là du véridique, sans mise en scène. J'rappe ma chienne de vie, j'l'aime car c'est la mienne. Pas là pour plaire aux putes, j'ai pas une voix de miel. J'suis jeune, j'ai la vingtaine, mais 4 fois centenaire en matière de douleur et de peine. Ça c'est pour ceux qui comprennent, gros, j'ai le gène de la haine. Tu veux partager mon bif, partage aussi mes problèmes. 45 sérigraphiés sur le suite, ça c'est mon emblème. Au volant de ma vie, j'spute sur la RN. En direction du nord, une fouf à la place du mort, personne ne me freine. Qu'on haïsse ou qu'on m'aime, je m'en prends. Ce qui compte, c'est qu'on me craigne. Je mets fin à leur règne, les lois sont faites pour qu'on les enfreigne. Mon rap pue la merde dans laquelle on nous traîne. Chez nous, on te souhaite la bienvenue avec un pare-balles et un bouquet de chrysanthème. Niggas, fais ton pisse et tire-toi. Je m'en bats les couilles, t'es qui? Tu veux tirer, tire, mais tire-toi. Reste cool, t'es qui? J'ai pas de substance à beat grave. Juste des zestes de rime crade sur beat grave. Je rentre pour les bras.